Soyez toutes et tous bienvenus dans cette nouvelle émission de Son Plan et Son Reproche. Elle est étiquetée 1370. C'est un beau programme, d'ailleurs, qui a bien commencé. Vous avez pu le constater, Son Plan et Son Reproche est nouvellement vêtu d'un habillage sonore entièrement créé par quelqu'un que j'adore. C'est PPK, Pierre de Garde. Il n'y en a pas beaucoup des comme lui. Et c'est très important pour tout le monde d'en avoir des amis comme ça. Donc PPK qui nous a fait l'intro d'émission, plus que générique pour le speak. Voilà, bienvenue dans cette nouvelle émission de Sans pleurer, sans reproche. Avec des invités ce soir, il y a Jean-Luc Marchal qui est venu de Liège, qui va nous passer ses petites séquences. Il y a le groupe lillois de Log Equation qui va nous parler de sa biographie au niveau Cold Wave notamment. Et il y aura Fred Strelzek de Dagaze qui va nous parler de son The Dark Lab 2. On a changé d'habillage sonore, mais on ne change pas quelque chose qui gagne. C'est la mise en place de la sélection de la semaine. Et pour ce lundi, c'est Delina Volny, l'album In Between. On vient de s'écouter le morceau Flair. C'est sorti sur un label, Italians Do It Better. Ce nom me fait beaucoup rire. J'en parle tout à l'heure de cet album In Between de Delina Volny. Là, on va retrouver la sélection de la semaine il y a 15 jours. C'était le Era Ya Hidalgo de Old School Union. C'est le dernier album des Finlandais, entièrement chanté en finnois et toujours aussi efficace dans le style EBM Old School. Encore une fois, je vais faire une spéciale dédicace pour Pierre de Garde, qui est à l'honneur ce soir. Il adore Old School Union. On s'écoutera le morceau Cadula. On continuera avec une nouveauté espagnole, le dernier single de Spammerhead. Et une nouveauté grecque, le dernier album des Paradox Obscur. C'est parti, Old School Union, Spammerheads, Paradox Obscur. Ha! stukanat. We'll be right back. Paradox Obscur avec le morceau Rodeo, extrait de leur tout nouvel album qui vient de sortir chez Metropolis Records, qui s'appelle Icona. Il est sorti le 12 septembre dernier. C'est le sixième album du groupe. Pour ce groupe donc formé en 2014 par Crystal Anne, dont la voix est immédiatement reconnaissable, et Toxic Razor, le gérant du label Werstat Recording, que je vous présente très souvent ici dans l'émission. On a eu la chance de voir Paradox Obscur sur scène au Black Lab il y a quelques semaines pour un très bon concert dans le genre. La grande force de ce duo est que tout est produit en temps réel, sans plugin. C'est une ligne de conduite que le duo veut absolument garder. Icona, c'est moins dark que les précédents albums, moins ancré dans un créneau bien défini, et il plaira aux nouveaux auditeurs de Paradox Obscur. Juste avant, c'était le tout nouveau single des Espagnols de Spammerheads, ce duo de Valence qui nous promet un très bon album qui va s'appeler The Meyer Chronicles, qui va sortir le 16 octobre prochain. Ce single s'appelle Shocking Days. Et en tout premier, Old School Union, Cadula, extrait de l'album Era Ya Hidalgo, passé en sélection de la semaine il y a 15 jours. Et il est déjà temps de passer au premier invité. C'est un passionné de musique depuis son plus jeune âge. Il s'appelle Jean-Luc Marchal. Il s'est imposé comme une figure incontournable de la scène de synth-pop en Belgique et ailleurs d'ailleurs. Il a été animateur radio, DJ, fondateur du site synthpop80.com. Il partage depuis plus d'une décennie son amour pour les sonorités des années 80, mais pas que. Il s'exprime aussi dans la Cold Wave, le post-punk ou le BM. Entre ses mix, ses remix, ses émissions, ses aventures, il nous construit un univers où la nostalgie rencontre l'énergie du présent. C'est pas une belle intro, ça, Jean-Luc ? Magnifique, merci Walter. Comment bonjour à toutes et à tous. Comment oui. ça va ? T'as fait toute la route depuis Liège, là ? Eh oui. Sur les autoroutes belges, c'est pas chose facile ? Non, mais ça va, ça roule, on est habitué. Toujours la même chose, hein. Travaux, bouchons, travaux. Et retard. Et retard. Bah écoute, une nouvelle fois, bienvenue dans les studios de Galaxy, que tu connais hein, depuis quelques années déjà. Oh oui. Et c'est toujours un immense plaisir de te voir en face de moi au micro. Et pour moi, c'est toujours un immense plaisir de venir. Écoute, je vais pas beaucoup sur Facebook, mais à chaque fois que j'y vais, t'es à droite, t'es à gauche, t'es au sud de la France, t'es en Espagne, t'es en Bretagne. Et je voyage beaucoup. Raconte-nous un petit peu tes dernières aventures, là, tes derniers voyages. J'ai été au Portugal avec mes enfants dernièrement, au mois de juillet. On est descendu en voiture en passant par le nord de l'Espagne. On a visité plein de choses. On a loué une super maison au Portugal, au bord d'un oasis, quoi. On était au bord d'une rivière, il y avait une cascade, c'était vraiment magnifique. Voilà, sinon je viens souvent, quand je peux, dans le coin, je monte jusqu'à la côte d'Opale. Je suis assez souvent dans le coin, par là. Et tu vas aussi pas mal dans le sud de la France, là. T'avais fait un road trip dans le sud, oui. Je vais partout. Je vais être en Bourgogne, dans le Jura, en Alsace. Et quand c'est comme ça, tu t'arrêtes chez les personnes que tu connais via Facebook ou... Des fois, chez des personnes que je connais via Facebook, oui, qui m'invitent. Des fois, dans des hôtels et des fois, je dors dans ma voiture. J'aime bien ça. Je suis un fou. Donc voilà, je fais des petites escapades et jamais rien n'est réservé à l'avance. Rien n'est prévu. Tout est dans le. J'adore le côté imprévisible et imprévu. Et puis voilà, un jour je descends dans le sud de la France et j'ai des amis, les Pléiés que tu connais sûrement, qui m'ont dit « Viens chez nous !» Et hop, j'étais parti chez eux, j'ai passé un super week-end avec eux. Je dis un week-end, je ne sais plus, mais deux, trois jours avec eux. Et puis voilà, non, c'est des trucs chouettes, j'aime bien. J'aime bien découvrir la France, un magnifique pays, donc... Ça serait bête de ne pas le visiter, quoi. C'est vrai. Écoute, tu es dans le monde de la musique depuis de nombreuses années. Hein. Comme je disais tout à l'heure, tu as animé une émission de radio, I Love LTs. Ouais. Tu es toujours dans la musique, puisque maintenant, tu t'investis dans la fonction de remixeur. Ouais, si on peut dire. Enfin, disons que c'est plutôt des extended que je fais un peu à l'ancienne méthode, quoi, années 80. Un peu par hasard, mais je reviendrai peut-être tout à l'heure, j'expliquerai un peu plus non, en détail. C'est maintenant que tu vas passer. Maintenant, je voulais savoir juste comment tu choisissais tes morceaux pour les remixer. Ah, ça c'est une bonne question. J'écoute des morceaux et quand le morceau me plaît, je me dis tiens, là il y a quelque chose à faire ou ah oui, c'est vraiment un morceau que j'aime bien, je le trouve trop court, je vais l'allonger. En gros, c'est ça. Et hop, je suis parti. Je le fais. Le fait de faire des extended, c'est quoi? Ça te rappelle les phases B des maxi? Oui, les maxi, exactement, les maxi des années 80. Et bon, ça se perd un peu. Il y a plus trop. Il y a souvent des remixes maintenant, mais qui sont tout à fait différents, on va dire, de la version originale. Mm-hmm. Moi, je préfère les extended qui rajoutent un peu, qui allongent la version originale, qui rajoutent des petites choses ou qui jouent plus sur certaines parties du titre ou quoi. Mais c'est un choix. En plus. Bon, un remix, il faut être musicien pour faire un remix. Il faut faire de la production additionnelle, ce que je ne sais pas faire. Je ne suis pas du tout musicien. Moi, je suis un bidouilleur, je ne suis pas un musicien. Je ne suis pas un DJ, je suis un passeur de disques. Tu vois, moi, je reste très amateur dans la façon dont je travaille, quoi. C'est très, très rudimentaire. Et le principal, étant que tu te fais plaisir et que tu nous fais plaisir. Oui, c'est ça. Puis bon, y a des titres, on va en écouter quelques-uns aujourd'hui. Il y a des titres, je les ai fait vraiment par plaisir. Et puis... Je me rends compte que, parce que ce que je fais souvent, c'est après, je le soumets quand même à l'artiste pour avoir son avis, mm-hmm. en bien ou en mal. En général, c'est en bien. Et j'ai été très étonné parce que, bon, il y en a certains qui m'ont dit, ah, mais je vais te mettre en rapport avec le mec de mon label et tout. Et puis la personne du label me dit, ah, mais on va le sortir. Ah bon, ok. Tant mieux. Parfait. Bah écoute, il est temps pour toi de nous présenter ta première séquence dans ce cas-là. Oui, tout à fait. J'ai fait dans la première séquence, en fait, j'ai démarré un peu avec, Darust. Darust, c'est qui ? C'est David Schiavoni et Kevin Magnetic Rust. On embrasse tous les deux. bien sûr, on les embrasse, qui ont fait en fait un duo, on va dire comme ça, qui s'appelle Da Rust, comme Da Geist et ou Davide plutôt, et Rust comme Magnetic Rust. Ouais. Et voilà, ils vont sortir un deuxième titre apparemment, parce que j'ai vu que Kevin nous a envoyé aujourd'hui un petit truc sur Facebook. Ah. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Non, non. Donc il prépare un second titre apparemment. Et là, leur premier titre c'était Strike the Enemy, et je l'avais modifié un peu, allongé, on va dire comme ça. Et donc, je voulais le mettre en avant parce que Davide, c'est Da Geist d'abord, et c'est en fait. Tout est parti de Da Geist dans mon cas, donc c'est grâce à Da Geist que je vous ai connu. Mm-hmm. C'est grâce à Da Geist que je suis rentré dans la musique, on va dire un peu plus underground, actuelle, et que j'ai rencontré plein de gens qui ont fait que j'en suis là aujourd'hui. Donc c'est grâce à eux, quoi. Donc voilà. Et bon, j'ai aussi remixé du Da Geist, forcément, ça allait de soi. Enfin, j'ai fait des extended de Da Geist. Mm-hmm. Et notamment celui que je propose ici, The Abyss of Years, qui est le gros titre, le gros dernier titre qu'ils ont fait en collaboration avec Philippe Lompré de Trisomie 21. Ouais. Et ici, j'étais reparti sur la base d'Arnaud, qui est ici en studio, de son extended qu'il avait fait. Et je l'ai un peu retravaillé, et j'en ai fait le sonar mix qu'on va écouter. Et puis le dernier titre de cette séquence, c'est The Wheel. C'est un artiste assez spécial. Je ne connaissais pas. Il faut l'écouter et surtout le voir. Et le titre, c'est Body. Et en fait, c'est un remix inédit. Donc, il n'est pas sorti. Je l'ai fait pour un futur single ou album, mais qui est à venir. Je ne sais pas s'il sortira un jour. Je l'ai fait à la demande de Holger, de chez VZ Record. Ouais. Voilà. Et Holger, je l'ai rencontré via Parade Grande, mais on y reviendra tout à l'heure dans une autre séquence. Volontiers, volontiers. Voilà. On s'écoute tout ça. Allez. C'est parti, Da Rust, Da Geist, The Wheel. can't escape myself. A distant voice receives the shatter on my face. The abyss of years, my love life, stalled me from side to side. I've died a million times since I was 21. c'était la petite séquence, la première séquence de Jean-Luc Marchal. Tu nous fais un petit récap, Jean-Luc ? Oui. Je t'entends pas, pourtant t'es bien branché, vas-y. Oui. Allez, voilà. Tu m'entends ? Voilà. Un, deux, un, deux. Vas-y. C'est les aléas du direct. On s'est donc écouté Darust avec Strike the Enemy dans une version Airsoft Mix. Ouais. Ensuite, c'était Dagest, The Abyss of Years, dans version 2025, la Sonar Mix. Et enfin de Will avec Body, donc, et là c'était la version Minimal Voice. Grâce aux indications, je me souviens qui est The Will maintenant. C'est vrai que c'était Fred Lenoir qui était voilà, venu ici. Exactement. Le studio de Galaxy Radio. Bah écoute, on se voit tout à l'heure, Jean-Luc. Sans problème. On se voit derrière les studios, mais tout à l'heure au micro. Ça roule. Tout à l'heure. On va laisser place à The Log Equation. Allez, il est maintenant temps de recevoir le duo lillois The Log Equation. Je vais lancer le petit liner que j'ai fait rien que pour eux. Écoutez, bienvenue Mel et Tom de The Log Equation. Salut. Vous allez un petit peu travailler parce que je vais vous laisser vous présenter aux auditrices et auditeurs de Sans Pleurer Sans Reproche. Qui commence ? J'ai pas le choix apparemment. Voilà, alors bah, moi c'est Mélissa, je suis la chanteuse de The Log Equation. Et que dire, on fait de la cold wave avec un petit côté quand même pop revendiqué, notamment par le chant je pense. Okay. Et voilà, pour le début c'est pas mal. Oui, bah, autour de Tom. Moi je suis Tom, donc moi je joue de la basse dans The Log Equation et je fais... Le gros des programmations, des synthés, tout ça, même si elle participe aussi. Ok, voilà. Et comment s'est formé le duo The Log Equation Ring Food 2 ? C'est une vieille histoire. Ouais. En fait, on se connaît depuis très longtemps. On a déjà eu un autre projet avant, qui s'est arrêté en 2015, 14. Je sais plus exactement, mais oui, on a joué quasiment, enfin, quand on avait entre 20 et 30 ans, on a joué quasiment 10 ans ensemble dans une autre formation. On était 4. Et donc après une pause, ça, voilà, je pense que c'est lors d'une soirée. Tom a dit j'ai envie de faire un truc avec de la reverb sur la voix, un peu dans le style de Boy Archer. Je fais banco, moi ça me branche, mais juste tous les deux parce que c'est quand même plus facile d'être à deux. Surtout on se connaît très bien. Surtout on n'a plus de batteur, quoi. Ce qui logistiquement est très pratique. Et vous venez de la scène métal, vous à la base ? Moi oui. Oui, toi, Tom ? Moi, mes premières amours musicales c'est plus le rock, vraiment. D'accord. Ouais. Ok. Voilà, alors après j'ai traîné beaucoup avec des métalleux, donc j'ai fait beaucoup de concerts de métal, j'en ai écouté beaucoup aussi, mais c'est vrai que c'est plutôt annexe. Ok. Dans mes goûts. Et qu'est-ce que ça veut dire, The Log Equation ? Alors, c'est. Le Log, c'est une référence à la Log Lady, qui est un personnage relativement important dans la série Twin Peaks de David Lynch. Ok. Et. Après The Log Equation, c'était un peu une référence à Joy Division. D'accord. Les divisions, les équations. Bien, c'est vrai. Et donc, du coup, voilà. C'est un peu une double référence à Joy Division et la Log Lady dans Twin Peaks. Parfait. Voilà. Écoute. Et puis, bon, Tom, c'est assez scientifique, il aime bien les maths. Donc, voilà, ça faisait une troisième petite raison de choisir ce nom-là. Et du coup, le truc qu'on n'a pas pensé, c'est quand tu cherches The Log Equation sur Internet, tu trouves que des trucs de maths. Des équations. Rien sur la musique ou presque, quoi. Voilà, dommage. Vous avez sorti en 2023 votre premier album. Diane's Diary. C'est qui, Diane ? Eh ben, c'est un personnage de Twin Peaks encore, aussi. Ouais. C'est alors en fait dans les bon je vais essayer de pas trop m'éterniser parce que comme je suis fan je pourrais en parler longtemps, mais dans les deux premières saisons c'est un peu l'assistante du personnage principal Dale Cooper, mais on la voit pas, il lui envoie juste des messages qu'il enregistre sur son dictaphone, et dans la troisième saison elle apparaît enfin, Diane, et elle a un rôle un peu plus important, et voilà, c'est elle. Et qu'est-ce qu'elle écrit dans son journal du coup ? Ah bah alors là, c'est plutôt, pour le coup, c'est plutôt moi. Enfin, ouais. Je me suis un peu approprié son identité, mais Diane's Diary, c'est un album concept quand même, qui raconte que des histoires vraies, enfin, avec parfois de la mauvaise foi, je l'avoue, je le confesse. Mais chaque chanson parle d'une personne différente et en fait, c'est des rencontres que j'ai fait à un moment de ma vie où j'étais plus ou moins célibataire et j'avais pas mal de choses à redire sur pas mal de rencontres et on a décidé d'en faire un album. T'es vengé un peu là-dessus Un petit peu, parfois. Parfois, c'est des chansons de regret, parfois, c'est des petites vengeances. Mais voilà. Je tiens surtout à dire, si certaines personnes se reconnaissent, que parfois, j'assume la mauvaise foi qu'il y a dans cette chanson. Voilà. Alors, ce sont 9 morceaux hein, qui sont sortis donc en 2023 en digital, mais vous avez sorti aussi en CD et cassette. Tout à fait. Il reste encore des cassettes parce que c'était... Il y en a très peu. C'est une toute petite production qui nous a été proposée par le label Conical Records de ouais. Paris. On a été très fiers d'ailleurs d'avoir été les premiers artistes signés sur ce label. Laurent Perruche qui tient ce label est un garçon assez exceptionnel et extrêmement gentil. Il y a une toute petite série, je pense qu'il y en a eu à peu près une vingtaine de faites. Il nous en reste encore quelques-unes. Je pense qu'il en reste quelques-unes aussi directement sur le Bandcamp du label. Mm-hmm. Mais il faut se dépêcher, si ouais, vous voulez, ça va devenir vite collector. C'est ça. Donc Tom, tu t'occupes de la partie musique, mais tu fais que ça, entre guillemets, ou vous interchangez, je ne sais pas si Mel se mêle aussi du coup du côté musical. Alors, ou... Oui, notamment sur tout ce qui est l'harmonie en fait. Parce que d'accord. Mel a une bien meilleure oreille que moi. Mais je suis nulle en rythmique. Et, oui, chacun son problème. Hein. Et en fait, parfois, disons que j'ai une petite tendance à faire des changements de tonalité un peu bizarres parfois, et ça en général, elle le remarque. Et pareil, même, je pense à un morceau qui est. Bah oui, là. Non, enfin, c'est un morceau qu'on a joué sur scène pour la première fois le week-end dernier. Mm-hmm. Et toute l'outro, c'est un truc un peu mélodique et tout. Et je me souviens que c'est Mel qui a trouvé l'arrangement de cordes. Donc, si elle, Mel participe. Et tu interviens dans ses textes ou pas du tout? Ouais, ou c'est son ouais. domaine. Ouais. Il y a plusieurs textes qu'on a écrits ensemble. Ouais. Oui, après, c'est pareil. Bah, là, pour le coup, c'est un peu la même chose en miroir. C'est que souvent, j'arrive avec l'idée générale, le thème. Comme lui, il construit un peu les squelettes des morceaux. Okay. Et puis, l'autre vient mettre sa patte dans la casserole. Bon, le vrai duo, quoi. Le vrai duo. Ouais. Quelles ont été vos influences musicales? On a compris que le cinéma importait pour Mel. Et les influences musicales, chacun de votre côté, pour cet album? Bah alors, pour cet album. Ouais. En fait, moi, je dirais qu'en fait, si tu veux, ce qui m'a amené à la musique électronique, enfin, le premier album de musique vraiment électronique que j'ai écouté, c'était Violator de Depeche Mode. Mm-hmm. Mais j'ai découvert ça il y a quand même très longtemps. C'est pas vraiment ça qui m'a amené à The Log Equation, mais je saurais pas dire précisément, en fait. Parce qu'en plus, moi, c'est pas vraiment mes références à la base. Ton univers, ouais. J'ai écouté énormément de métal et quelques trucs électroniques, comme bah, effectivement, il parlait de Boy Archer. Effectivement, c'est quelque chose que j'écoutais pas mal au moment où j'ai commencé. Ça a fait le buzz, hein, ce groupe avec leur album. Et tu vois, on peut citer ces deux-là. H-Code aussi, c'est un truc sur lequel j'étais tombé un peu par hasard et qui m'avait vachement accroché. Et en plus, Coup de bol, ils étaient passés un mois plus tard à la gare Saint-Saul. Ouais. Et, oui, exact, oui. Voilà, mais en fait, et puis après, évidemment, comme tout le monde, je connais un peu The Cure, je connais un peu des groupes comme ça. Mais en fait, après, si tu veux, on avait envie de faire un truc électronique. Et le genre électronique qui nous parlait le plus, à la limite, c'était la Cold Wave, si tu veux. Ouais. Mais on cherche, je sais pas, forcément à. On cherchait à faire un truc électronique qui ressemblait à ça, un peu dark, mais sans réelle référence en fait. Et d'ailleurs, en fait, dans ma façon d'écrire, je pense qu'il y a peut-être plus de références à des plans. C'était une expérience pour toi de te lancer là-dedans. Ouais, ouais. Et puis c'est. Moi, j'ai fait du métal pendant des années et faire joujou avec des synthés, c'est très différent que de composer avec des guitares, une batterie et tout ça. Tu veux passer par des vrais synthés du coup ou par des VST? Non, c'est beaucoup de VST. Ok, ouais. Mais parce que moi, j'ai un piano numérique chez moi, mais qui a. Savoir un piano numérique, donc il n'y a pas beaucoup de toute façon, c'est le côté pratique de la chose. Hein, le VST, c'est voilà, on s'y met vite et ça, le rendu est très très bon, quoi. Et donc voilà, en fait, c'est tout ça, c'est un peu. C'est l'ambiance du moment, tu vois. Et pour vous, c'est quoi le morceau le plus représentatif de Diane's Diary? Ah, c'est difficile, ça. Ah, pour moi. Vas-y, dis-nous. Moi, ah, Swamp Macaque, j'adore ce morceau. Ah ouais, ouais. Ah, cool. Ouais. Cool. Après, moi, je trouve que... Alors, J'ai une affection pour Animal Sauvage parce que je le trouve très drôle et pour moi c'est vraiment un truc. Enfin, je pense qu'on était d'accord là-dessus dans l'ADN du projet. Il y a du fun. Enfin, on voulait s'amuser quoi. Et le côté un peu marrant de Animal Sauvage, voilà, représente aussi cet état d'esprit là, même d'accord. Si après on a fait aussi des chansons. Un peu plus calme, un peu plus dark. Oui, c'est vrai, même, c'est bien varié. Hein, l'album même dans les thèmes. Varié, voilà, on chasser le naturel, il revient en galop. On écoute quand même Tom, beaucoup de métal. Moi, beaucoup de rock à la base, mais en tout cas, pas des trucs joyeux, quoi. Mm-hmm. Donc, voilà, ce truc-là, il ressort quand même. c'est grâce à ça qu'on fait de la bonne musique, tu sais, en général, quand tu vois bien. Donc, Diane's Diary, c'était 2023. 2024, un petit peu calme pour vous. On a continué à composer tranquillement. Voilà, on a sorti deux singles quand même entre temps. C'était cette année. C'était 2025. Non, il y a Charlie. Developer, c'est fin 2024. D'accord, ok. Mais en fait, si tu veux, on a commencé à composer. D'ailleurs, là, on a composé quasiment tout l'album et on a commencé à en produire une partie. Ouais, ça va prendre encore quelques mois, je pense, avant de sortir le deuxième album, mais c'est bien avancé déjà. Et donc, si tu veux, le début du projet, en fait, il sortait en 2023, mais on a commencé en 2021. En fait, on a passé beaucoup, beaucoup de temps à l'époque des couvre-feux, en fait, à bosser là-dessus. Bon, après, voilà, la prod, le mixage, tout ça, c'est toujours un peu long. Mais on n'a jamais trop. Enfin, on a toujours un rythme de croisière. Enfin, disons qu'on a démarré très fort parce qu'on avait beaucoup, beaucoup de temps à ce moment-là. Ouais. Oui, je comprends. Ouais. Et depuis, on a un rythme stable. Bon, niveau studio. On en a parlé maintenant, les lives. On a eu la chance de vous voir vendredi soir à la Brad Cave. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié. Je ne suis pas surpris de votre prestation. C'est ce à quoi je m'attendais. Donc, merci. Très, très bien. Je vous remercie. Comment ça s'est passé pour vous à la Brad Cave? Il faisait chaud en plus, hein? C'était cool. Il y avait de la transpiration et tout. C'est un vrai concert, quoi, comme on les aime. C'était super chouette. Alors, déjà, on était ravis que The Ultimate Dreamers nous propose ce doublé de dates, puisqu'on on a joué avec le même plateau le lendemain à Bruxelles. Et du coup, superbe, superbe rencontre, super découverte. Alors, ça fait toujours plaisir de jouer à la maison. Ça, de toute façon, c'est Lille, ça reste, enfin, je pense, je parle aussi un peu en ton nom, mais une ville que moi j'adore, que Tom aussi, je pense, adore. Et puis c'est là où on a fait toutes nos armes, hein, de musiciens amateurs depuis longtemps, donc voilà. Et ouais, moi je me suis super bien amusée, public un peu clairsemé, mais de qualité, présent. Ah, on en a parlé vendredi, hein, c'est vrai que. Voilà. Constat, on doit faire le constat que le public vieillit. C'est dommage, mais on remercie quand même les gens qui se déplacent, malgré quelques difficultés, on l'a bien vu. Hein, donc bravo à eux. Ouais, il y a même des gens qui sont venus de loin, de Belgique et tout. Franchement, c'est chouette de voir ça. Moi, ça me fait très drôle parce que le public ne se rajeunit pas et on est de moins en moins. On se dit, mais ça va s'arrêter quand? Donc, il faut se donner un petit peu une claque aux fesses pour se bouger un petit peu pour les concerts. Et comment ça s'est passé pour vous à Bruxelles? Alors, petite anecdote, on a eu des problèmes techniques que notre carte son ne s'est pas rallumée. Ah, voilà, ouais. Elle a fini sa vie à la Brad Cave. Mais à part ça, c'était vraiment très chouette. Là, un petit peu plus de monde et puis grosse énergie. Beaucoup plus de monde. Ouais, c'était énorme, mais ça. Tu vois, la Belgique, ils ont encore. D'ailleurs, il y avait des jeunes et tout, tu t'entends parler. D'accord, oui, ça fait du bien. Quand on va au Black Lab ou à l'aéronef, moi, ça me fait vraiment beaucoup de bien de voir des gens qui ont la vingtaine, la trentaine. Mais en plus, ils kiffent ce genre de musique. Oui, c'est juste que, je sais pas, on doit pas être sur les mêmes réseaux de communication. Exactement, on en parlait aussi, d'ailleurs, hein, je crois. Ouais. Faut qu'on arrive à trouver une passerelle. Oui, c'est ça. Donc, je sais que vous avez joué chez Remzi à Calais. Ouais. Vous avez joué chez Cultura. Ouais, c'était quelque chose. Ouais, en pleine lumière en plus. En pleine lumière de ma magasin, en plein après-midi. Ah. Des gens qui ne savent pas du tout ce que c'est comme style de musique. Ouais. Je pense qu'on est passé un peu pour des ovnis. En plus, on ne pouvait pas jouer fort. Alors, comme toute notre rythmique et beaucoup de notre musique sont sur bande, moi j'ai des ear monitors, donc je suis un peu isolée dans mes oreilles. Mais Tom me disait qu'il entendait plus ma voix en direct que par les enceintes. Ah, d'accord, oui. Donc, les conditions étaient un peu. C'est sportif. On aurait fait un guitare-voix acoustique, ça aurait été plus adéquat, ouais, je pense. Ça aurait été bien. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire ça en plus, ça aurait été marrant. Ah ouais. Un basse-voix acoustique. Ouais. Faudra qu'on essaye un jour. À la prochaine. Ouais. Et sinon, après, c'était. En tout cas, l'invitation, c'était cool. Ouais, c'était super cool. Bien sûr. Et en plus, d'ailleurs, il a bien promu notre CD à Cultura. On a vendu beaucoup plus de ce qu'on imaginait. Ouais, c'est génial. Il l'a distribué, quoi. Pour un groupe local, en autoproduit, de se faire distribuer par une grande enseigne comme ça. C'est un fanatique, de toute façon, le Pierre. Ah ouais, il est à fond dans son truc, quoi. Mais après, ouais, le concert en lui-même, c'était vraiment très bizarre. Ouais. Parce que, tu joues dans un supermarché, basiquement. Oui, c'est ça. Donc, c'est... Bon, c'est un supermarché de la culture, hein. C'est quand même... Ah, ça oui, va, oui, mais... En fait, le jour où on nous propose la foire au boudin, ou tu sais, le rayon charcuterie à Carrefour, c'est mort. Hein. Alors, j'ai travaillé sur des festivals de foires alimentaires où c'était vraiment très chouette, hein, de jouer. Je ne sais pas. Si, je t'assure, si. Avec d'autres groupes dont je ne citerai pas le nom, mais... Pas de dispute. Je vous préférez quoi, studio ou scène? Ah, la scène. Ouais. Ah ouais, définitivement. Moi j'aime les deux. Moi là justement en ce moment on est en train de travailler avec Julien, notre ingé son, qui c'est lui qui mixe nos titres pour les albums et pour les singles tout ça. Et ouais, moi ça m'éclate. J'adore. Puis en plus ce mec là, c'est un très bon ami et c'est un super passionné. Et ouais, je le vois chipoter. Ouais, regarde là, j'ai mis un 8e compresseur. T'as vu comment ça sonne d'enfer. Oui. Et enfin voilà, mais sur mon côté un peu, tu sais, méticuleux, mon côté informaticien en fait. Et d'ailleurs, il est informaticien aussi, le Julien, comme par hasard. Ok. Et après, le moment de la scène, c'est sûr que c'est beaucoup plus intense. Mais tu vois, pour la sortie d'un single ou d'un album, à chaque fois, c'est un accomplissement, c'est quelque chose de terminé. J'aime bien les choses terminées en fait. Voilà. Oui, il a l'air carré, le Tom. Après moi le studio, bon, même si je fais du live, ça se rapproche un peu de mon métier aussi, okay. et du coup peut-être un peu trop du coup. Moi je préfère plus la partie créative avant et ensuite le concert, s'amuser sur scène et ouais, c'est peut-être aussi un peu pour ça, ça me rappelle un peu le boulot, mais bon, c'est aussi stressant quand tu chantes de dire bah voilà, ta prise, il faut que tu sortes un truc vraiment bien parce que ça va être gravé dans le marbre, enfin dans le plastique en l'occurrence, voilà, ça va plus être changé. S'il y a une note qui est un peu fausse, bah elle le sera pour toute la vie de l'album, quoi. Donc il y a un peu de pression quand même. Non, je te rassure, moi je suis pas trop dans la cold wave tout ça. Mes racines c'est plus le BM. Hein, mais votre album, je l'ai vraiment vraiment apprécié quand tu me l'as envoyé, Tom. C'est pour ça que je te passe, hein. C'est pas pour. Oui, j'imagine. Merci. Vous avez quelque chose et pourvu que ça dure. Vous rêvez. Bah, on croise les doigts. Ouais. Vous rêvez d'une collaboration particulière pour les prochains morceaux? Bah alors écoute, on en a fait une déjà, le morceau est pas sorti encore. C'est vrai, oui, avec bon, on peut le dire, ouais, je pense. Bah, en fait avec donc Geneviève Baltroski. Geneviève Méven. Ah oui, c'est vrai. Son nom de scène, pardon, Geneviève Méven. Qui est, je trouve qu'elle est à la base une bonne amie à nous et qui d'ailleurs dans laquelle je joue avec elle dans un autre projet mais qui est pas encore sorti donc je peux pas en parler vraiment. Et effectivement oui, qui est une très bonne chanteuse et donc c'est un duo de chant, c'est bien punchy, donc ça sera sur le prochain album. Voilà, on tease un petit peu là. C'est bien comme ça. Écoutez, je vous remercie d'avoir fait un topo sur The Log Equation. Merci beaucoup de nous avoir invités. Bah, c'est carrément un plaisir. Bah, partagez, merci beaucoup. Moi, je voulais illustrer tout ça avec son macaque. Je me fais plaisir. Ah bah, ouais. Et voilà, le mot de la fin pour vous. Qu'est-ce que vous voulez dire? Qu'est-ce que vous souhaitez à vos auditeurs et auditrices? Ah bah tout plein d'amour. Voilà. Qu'est-ce que de plus à l'écoute des textes, de la musique? Alors, bah il y a un que ah voilà, bon, je vais parler un peu de pour moi perso, c'est je parlais du concept de l'album, il y a un gros côté d'empowerment féministe quand même dans ce que je raconte. Donc voilà, si ça pouvait je sais pas, donner de la confiance et de l'assurance peut-être à certaines femmes qui en manquent ou à des gens qui se sentent pas toujours à l'aise dans leurs relations sociales, et ben ce serait super. Eh ben, pas mieux. Bah, écoutez, je vous remercie beaucoup d'être venu dans les studios de Sampler et de Galaxy Radio. C'était un grand plaisir, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Donc on écoute tout de suite The Log Equation avec Swamp Macaque. c'était The Log Equation avec le morceau Swamp Macaque, extrait de leur album Diane's Diary, qui est toujours disponible hein, en CD et en cassette, et en digital bien sûr sur leur Bandcamp. Je vous invite vraiment, vraiment à découvrir cet album si ce n'est pas déjà fait. Alors, personnellement, j'adore ce genre d'émission, où ça bouge, où il y a des gens que j'aime bien. Et ça fait un petit moment que t'étais pas venu, dis donc, Fred. Coucou, moi, Walter. Comment ça va? Ah bah écoute, ça va bien. T'as toujours le peps, toi? Oui, la forme. Mais tu viens travailler, parce que on va faire un petit agenda. Tu viens travailler, ça se diffuse pas mal sur les réseaux sociaux. Eh oui. L'an dernier, il y a eu The Dark Lab 1, et là, le 31 octobre, The Dark Lab 2. Oui, voilà, en coprod avec le Black Lab, on a décidé voilà, de se lancer un peu sur la scène, d'essayer tout au moins à notre petit niveau de faire vivre la scène. Et voilà, on a écouté un peu les gens, les retours du Dark Lab 1. Et puis bon, cette année, on sera plus sur oui, de la musique, aussi les gens vont pouvoir danser, et on fait ça sur 3 jours. Les dates, ce sera le 31 octobre. Le vendredi, samedi 1er novembre et dimanche 2 novembre. Et oui, voilà. Tu nous détailles le programme ? Ouais, c'est ça. Donc, on va commencer le 31 octobre avec un petit groupe local d'Aguest. Je ne connais pas. Je ne connais pas non plus. Moi non plus. Ensuite, les excellents Traitors. Voilà, j'invite les gens qui aiment les Cure à écouter ce qu'ils font. Et puis, un groupe mythique, hein, DAF. Robert Grohl, le comparse de Gabi. Feu Gabi. Et en DJ7 cette année, on a Patrick Codenis, vraiment très fier de l'avoir. On ne le présente plus, hein, de Fonte 242. Et c'est toujours intéressant d'avoir ce genre de DJ chez nous. Voilà, c'est toi qui cible les groupes. Ouais, tu es quand même à la tête de Storga The Dark Lab. Oui, vraiment, en coprod, c'est une réflexion. J'ai, on va dire, la chance pour cette scène où on me demande un peu des avis, des conseils sur les groupes, de ce qui se passe, comment on tourne un petit peu le milieu, la scène. Et voilà, je ne suis pas tout décisionnaire, hein, mais au moins j'y mets ma patte, on va dire. Tu insuffles. Oui, j'insuffle. Pour un pompier, c'est bien. C'est ça. Donc, 31 octobre, belle affiche. Voilà. Fêter Halloween comme ça, c'est magnifique. On va continuer le lendemain, le samedi 1er novembre. Alors voilà, avec le groupe Je t'aime, et je vous aime aussi. Et un coup de cœur que j'avais eu au Dark Malta, le groupe NNHMN. Ouais, bien. Groupe berlinois avec des consonances polonaises qui ne sont pas pour me déplaire. Et puis bon, là encore la Belgique à l'honneur avec le groupe qu'on présente plus, Vive la Fête aussi. Et un DJ, là on a choisi carrément The Hacker. La chance de pouvoir le booker il va mettre le feu. Hein. Je pense, oui, là les gens, on est parti pour. Faut demander une fermeture tardive. Hein. Ouais, on voit les autorisations, ça va le faire. Je me doute. Et allez, on a choisi de faire un after ensuite le 2 novembre, c'est une belle date, la fête des morts, où là, gros coup de cœur aussi pour ce groupe Cold Wave, Forever Grey, super groupe, alors forcément on aura fait deux jours la fête, et on sera sur une pente descendante le 2 novembre, où après il y aura un X-Wave Radio Show DJ7, c'est la première fois où je vais faire un DJ7, voilà, j'ai la chance aussi de faire une petite émission radio, vraiment pour faire vivre encore une fois la musique dans notre région sur RCV 99 et voilà, ils me mettent tous les 15 jours, hein, le dimanche soir, c'est ça, un dimanche sur deux pour voilà, passer, ça reste quelque chose de très festif autour d'un apéro dînatoire, enfin voilà, c'est un peu le but de l'émission. On a voulu faire également un effort sur le prix. Il faut savoir qu'on a fait un pass voilà, qui, sur 2 jours. Si vous prenez le pass 2 jours, ça coûte 50 euros. Vous avez le dimanche gratuit. Voilà. Donc tu payes 50 balles pour le 31 octobre et le 1er novembre. Ouais. Écoute, bravo. Et du coup, tu viens le 2 novembre également. Bah écoute. Et il faut savoir que les groupes ont joué le jeu. Voilà, on est parti, on a mis ça en avant. Et on peut dire que pas mal de groupes ont joué le jeu. Bien joué, bien joué. On peut les trouver où, tous ces tickets? Tu vas trouver ça sur le site du Black Lab, Event Time, Prime, je sais, Event Ticket Time, Event, là, ouais, Ticket ouais, Event, ouais. Sur les sites de revente. Toutes les bonnes boucheries. Oui, c'est aussi. Ça. C'est ça. Bah, écoute, bravo à toi, Fred. Bah, bravo au Black Lab pour cette nouvelle édition du Dark Lab. Forcément, you're welcome, hein, Walter. Ah, merci. Il y a merci. Bien mon voisin de droite. Tu sais que nos éditeurs vont en manger hein, du Dark Lab. Hein. J'en passe tous les 15 jours. Hein. Ils vont ramasser. Ben, merci Fred. Merci à toi. Merci d'être venu. Ben, c'est vrai que t'as un drôle de personnage là, à ta droite du coup. Jean-Luc Marchal qui va nous. Je connais pas. tu fais bien. Qui va mieux pas, vous nous pas. Présenter ces dernières séquences qu'on va mettre à la. Je suis à Barcelone. Au Canada, on n'arrive pas. On essaie de tourner, mais on n'arrive pas. Tu n'arrives pas à le semer. Il est toujours là. Oui, c'est vrai. Un petit agenda, parce que le agenda de Sample Récent approche. Le 20 octobre, je vais recevoir Arthur, alias Décombre, qui est un producteur, un DJ, artiste lillois, qui va nous présenter son nouvel EP qui s'appelle Distorama. Et je voulais parler de quelques soirées le 27 septembre. Il y aura Benoît Buise qui va jouer avec Dreadful et Lethal Theory au Bidule à Lille à partir de 20h30. L'entrée est gratuite, hein, vous payez ce que vous voulez dans un chapeau, c'est pas mal aussi. Le 4 octobre, il y aura une soirée organisée par Pierre Saint-Pierre, c'est la soirée DJ 7 GTA avec les DJ Dusty Nova, Lazare, Anna 95 et Pierre bien sûr. Et ça se passe aussi à la Brad Cave. Alors, vu le nom de la soirée, hein, il vous demande de vous pointer en dress code style GTA. Et après, il y a une grosse soirée le 11 octobre, c'est la Retro City. C'est organisé par Will Turner. Et là, c'est une sacrée soirée qui se passera à Marc-en-Barœul, à la Cité des Échanges. Au platine, il y a Johan, HS, Michael Forza et Will Turner, bien sûr. Les tickets sont encore en vente pour la somme de 20 euros sur Place Minute. À toi de bosser. Je peux rajouter une petite date? Tu dois. Je dois. Non, c'est parce que je pense à ça pour les amis d'Astrasonic qui font leur dernière date, leur dernier concert le 27 septembre au Canal 10 à Outrage. Voilà. Ils arrêtent. Donc c'est le der du der. Ah mince. Bon. Allez. Il n'y a pas que des bonnes nouvelles. Hein. Non, il n'y a pas que des bonnes nouvelles. C'est comme ça. Hein, mais bon, voilà. Donc, le cadeau a bien arrêté. Hein ouais, voilà. Au moment où tous les plus grands s'arrêtent. Voilà. Allez, au boulot, JL, qu'est-ce que tu nous as préparé? Parce que là, on va lancer tes deux séquences d'un coup. Dans la deuxième séquence, je vous ai mis en fait un Parade Grande, parce que c'est un groupe que j'adore depuis les années 80. On les embrasse aussi. Très spécial, bien sûr. Béa, Pierre. Jean-Marc. Et Jean-Marc, bien sûr. Voilà, donc je vous ai mis Marble Mine, qui est en fait un titre qui avait été coproduit avec Patrick Codenis de Front 2K2, on en parlait justement tout à l'heure. Et pour la petite histoire, c'est comme ça que tout a commencé, en fait, pour les Extended, si tu veux, un peu d'info. Ouais, je faisais mon émission de radio, dont tu as parlé tout à l'heure, sur Onib, et je faisais une spéciale EBM belge, et je fais une séquence où je mets Parade Grande en premier, et je me rends compte que je parle beaucoup trop longtemps par rapport à l'intro du morceau. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je boucle le morceau plusieurs fois, et puis je me dis, oh, ça passe bien ce truc-là, je vais faire quelque chose avec ça. Et donc, j'en ai fait un extended, et puis je l'ai envoyé aux frères qui l'ont écouté, qui ont bien aimé. Et puis un jour, j'ai été contacté par Holger de VZ Records, qui est leur label. Et il me dit, oh, c'est bien ce truc-là, il n'y a pas moyen de l'avoir pour une compile, sur la qualité d'Aguez d'ailleurs, en hommage à Frank Factory Walk. Et donc, ça a été mon premier extended qui est passé, qui a été édité, on va dire, comme ça. Voilà. Alors, après ça, bah, j'ai mis quelque chose d'autre que j'adorais, et que j'adore toujours, d'ailleurs. SA42, que tu connais très, très bien, le fabuleux Jackie. Voilà, un mec vraiment extraordinaire, Jackie Meurice, et vraiment, j'adore discuter avec lui, on parle de tout, de rien. Et c'est ça qui est bien aussi. Oui, c'est ça qui est bien, on ne parle pas que de musique. Surtout quoi. De rien. Non, mais c'est un passionné de la guerre 14-18, ouais. C'est un passionné de modélisme, c'est un passionné de plein de choses. C'est un passionné de sa région aussi. Ah ouais, de sa région. Il s'est passé beaucoup de et choses. Puis il aime bien les voyages, il aime bien le vélo. Donc voilà. Tu sais mieux que moi. Donc voilà, bref, il a sorti un super album il y a un an et demi, deux ans, ouais, je sais plus. Ouais. Et dessus, il y avait un titre qui s'appelait Man and Woman, et que j'aimais beaucoup, et que j'ai décidé d'en faire un extended, peut-être un peu trop long, qui dépasse les 9 minutes. C'est l'extended. Voilà, c'est voilà. L'extended. Bon, ici, j'ai mis Captibou, parce que sinon, on va s'endormir. Non, pas vraiment. J'ai peur de te faire rouspéter, dis-le. Et enfin, il y aura Das Code. Das Code, c'est un projet de Stéphane de Villers. Mmh. Projet malheureusement déjà un peu avorté. Mais il continue en tant que Das Code, je pense, mais il n'y a plus la chanteuse. Et le titre, c'était Berlin, parce que moi, je suis fan de cette ville. Quand j'ai entendu le titre qui me plaisait, et qu'en plus, ça parlait de Berlin, je me suis dit, je vais faire quelque chose avec ça. Donc voilà, ça c'est la fin de la deuxième séquence, on va dire comme ça. Je ne sais pas si on enchaîne directement sur la troisième. Si, tu sais ce qu'on va faire. On va parler de tout de suite. Après la présentation de tes séquences, on va passer un DAF et un Ziyaker. Et après, on enchaîne tes deux séquences. Comme ça, on va pouvoir se... Ok, ça va. On va pouvoir déguster. Voilà, c'est ça. Oui. Donc la troisième séquence, il y aura d'abord Ultrason avec... Keep Your Eyes Peeled, qui est le Keep Your Feet Peeled, qui est en fait un extended que je me suis amusé à faire parce que j'adore ce groupe, enfin ce titre surtout de ce groupe. Et voilà. Et puis il y aura My Mind. Alors là, My Mind, ça c'est un truc Hypnotic Tango, c'est un titre des années 80. Italo Disco, tout à fait, qui date de 83. Et comme je suis pas mal ami avec les deux. Allez, on va dire les deux qui restent du groupe sur les trois, parce que malheureusement le chanteur est décédé. Et suite justement au décès du chanteur, je me suis dit, tiens, je vais peut-être faire quelque chose avec ce titre emblématique. Et donc voilà, j'en ai fait un extended un peu spécial, l'Hypnotic Mix, que je leur ai envoyé en plus. Donc je leur ai envoyé, ils m'ont donné leur avis, ils ont bien aimé, et ça serait possible qu'ils soient édités en fait. Pour le 45 ou 50e anniversaire de l'album. Voilà, donc c'est dans les cartons, mais vous l'aurez en exclusivité. Donc ça, c'est déjà une exigée. Voilà. Et enfin, j'ai terminé par un titre que, quand même une nouveauté, et j'ai pas travaillé dessus du tout, mais c'est un groupe que j'adore, qui est pas très. Pour ma part, je le trouve pas encore assez connu. C'est Senius. C'est vraiment très très bon. Ouais, très bon. C'est franco-britannique, donc c'est Fapno et qui est français, qui chante, et Steve Whitfield qui est un super producteur. En plus, peu de gens connaissent peut-être chez nous, mais c'est il a travaillé avec Mission, il a travaillé avec Cure, donc c'est vraiment une pointure quoi. Et ils font un truc vraiment qui s'appelle Senius, que je trouve vraiment très très bon. Et le titre c'est le tout dernier, c'est Five Arm Crystal. Vraiment très bon titre. Tu as bien travaillé sur tes séquences, merci. Jean-Luc. Merci beaucoup. Donc, merci encore une fois d'être là. C'est bien de le dire, ça fait beaucoup de bien de vous voir. Merci, voilà, exactement. Et la même chose. Donc là, on va passer à la musique. Hein. Ce sera DAF, Sato et Ziyaker Masterplan pour The Dark Lab. Pendant que vous écoutez, allez chercher vos tickets hein, sur, voilà, n'hésitez pas. Sur les sites. Hein, 50 balles pour 3 jours, c'est vraiment, vraiment, c'est un bel exploit. Franchement, ouais, voilà, c'est pas cher, bravo, ouais. Et après, vous pourrez déguster ce que vous voulez en écoutant les séquences de JL. Merci les gars. Merci beaucoup. Des bisous. Dans 15 jours, c'est un non-stop. Et dans un mois, on reçoit Decombre dans l'émission Sans pleurer, sans reproche. À bientôt. Ciao. Bisous.

Operations. Reload dysfunction. Die old and live fast. The night is young cause we are the night. Ha ha.

Oh, boy. SM95.3 ou en podcast sur mixcloud.com. Sans pleurs et sans reproches.